The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Bank. La banque. To crack. Craquer. To help. S'empêcher de faire quelque chose. Stage fright. Le trac. Fit of the giggles. Le fou rire. Loan. Le prêt. To come to a decision. Se décider. To stutter. Bégayer. Now, a bit faster. Stage fright. Le trac. To come to a decision. Se décider. Loan. Le prêt. Fit of the giggles. Le fou rire. To crack. Craquer. Bank. La banque. To help. S'empêcher de faire quelque chose. Stage fright. Le trac. To come to a decision. Se décider. Stage fright. Le trac. To come to a decision. Se décider. Loan. Le prêt. To crack. Craquer. Loan. Le prêt. To stutter. Bégayer. Loan. Le prêt. Now, use the words in context. Craquer. I tried not to snap, but I didn't succeed. J'ai essayé de ne pas craquer, mais je n'ai pas réussi. S'empêcher de faire quelque chose. This pain au chocolat looked too appetizing and I couldn't help eating it. Ce pain au chocolat avait l'air trop appétissant. Je n'ai pas pu m'empêcher de le manger. Le trac. The first time that I went on stage, I felt really nervous. La première fois que je suis montée sur scène, j'avais trop le trac. Le fou rire. She's been laughing hysterically for 10 minutes now. Ça fait 10 minutes qu'elle a le fou rire. Se décider. I don't know which one to choose. It's difficult to decide. Je ne sais pas lequel choisir. C'est difficile de se décider. Le fou rire. She's been laughing hysterically for 10 minutes now. Ça fait 10 minutes qu'elle a le fou rire.